et afin de placer le mort dans la première demeure des demeures de l'au-delà. Et ainsi, lorsque tout cela est achevé, et après avoir remis la terre sur le mort, il est du devoir de ceux qui l'ont enterré et de ceux qui ont suivi ses funérailles de se placer à côté de sa tombe et d'implorer Allah pour lui, son pardon et le raffermissement de sa foi. Et ceci nous provient du hadith rapporté par l'imam al-Bayhaqi et par l'imam Abu Daoud et authentifié par l'imam al-Hakim selon Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Celui-ci nous dit, une fois le mort enterré, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se plaçait devant sa tombe et disait à ses compagnons, demandez pour votre frère le pardon et demandez pour lui le raffermissement de sa foi, car à ce moment même, on le questionne. Il ne faut donc pas se précipiter pour partir. Et sachez qu'à la base, chaque personne doit implorer Allah pour ce mort seul, et non en groupe. Mais cela à moins que la plupart des gens ne connaissent la dua. Et dans ce cas, une personne doit alors prononcer la dua et les autres répondent Amin. Et en effet, celui qui dit Amin est comme s'il avait prononcé la dua. Et la preuve en est ce qu'Allah nous dit à propos de Moussa et de son frère Haroun. Alayhim assalam, Allah nous dit, et il dit, votre invocation a été exaucée, restez donc tous deux sur le droit chemin. Alors que certes c'était Moussa qui avait prononcé la dua, et que Haroun avait répondu Amin, alayhim assalam. Et alors si une personne se rend compte que les gens ne savent pas ou ne connaissent pas la façon d'implorer leur Seigneur Jalla wa Ala, alors cette personne se doit de prononcer la dua et les autres de répondre Amin. Et il n'y aura pas de reproche à leur encontre. Et c'est également une sunnah de lever les mains pendant cette dua. Et la preuve est rapportée par l'imam al-Tirmidhi et par l'imam Abu Daoud et authentifiée par Sheikh al-Albani rahimahullah selon Salman al-Farisi radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah est pudique et généreux et il est gêné lorsque son serviteur lève ses mains afin de l'invoquer et de l'implorer de les lui rendre vides et bredouilles. Allah est gêné de son serviteur lorsqu'il lève ses mains dans le but de l'invoquer et de l'implorer de lui rendre ses mains vides et bredouilles. Mais Allah est gêné, mes chers frères et sœurs, d'une façon qui lui est propre et qui coïncide avec sa majesté, sa perfection et son immensité. Et il est ainsi gêné de rendre les mains de son serviteur vides. Et une autre preuve, ce que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a informé que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après avoir terminé d'enterrer un mort, il se mit à côté de sa tombe en levant les mains et en disant « Oh Allah, je suis satisfait de lui ». Sois également satisfait de lui. Et on implore ainsi Allah pour le mort, en lui demandant le pardon, et en lui demandant le raffermissement de sa foi, et la droiture, et qu'Allah le protège des supplices de la tombe et de son châtiment. Car c'est à ce moment-là, mes chers frères et sœurs, qu'il a énormément besoin de dua. Nous nous devons donc de perdurer. Nous nous devons donc et il nous incombe d'insister dans ces doigts et non de se précipiter à partir comme le font beaucoup de personnes. Et c'est pourquoi Amr ibn al-As radiallahu anhu a évoqué dans son testament « Lorsque vous finirez de m'enterrer, restez autour de ma tombe un temps et une durée équivalente à l'égorgement d'un chameau et à la distribution de sa viande. » afin que vous me teniez compagnie et afin que je trouve de quoi accueillir les messagers d'Allah, c'est-à-dire les anges. Et ce hadith a été rapporté par l'imam muslim. Il faut ainsi rester et il faut ainsi durer dans la dua pour le mort. Car mes chers frères et sœurs, lorsque le mort est enterré, il passe les tourments les plus pénibles. Lorsque le mort est enterré, il rencontre les épreuves les plus délicates. Lorsque le mort est enterré, il ressent les troubles les plus éprouvants. Et c'est donc à ce moment qu'il a le plus besoin de dua provenant de ses frères, afin qu'Allah le raffermisse lors des questions de la tombe, et afin qu'Allah lui fasse triompher de ses tourments et ses dures épreuves. Sachez de plus qu'il ne nous a pas été promulgué, et il ne nous a pas été énoncé, ni légiféré de lire le Coran, ou de réciter le Coran sur le mort, après l'enterrement. Il ne nous a pas été légiféré de lire quoi que ce soit du livre d'Allah Azza wa Jal, comme le font malheureusement beaucoup d'ignorants. Et ainsi nous ne devons ni lire Sourate Yassine, ni Sourate Ar-Rahman, ni Sourate Al-Waqi'ah, ni Sourate Al-Mulk, ni Sourate Al-Fatiha, car cela ne nous a pas été enseigné par celui dont la guidée est complète, alayhi salatu wassalam. On ne lit ainsi rien sur le mort, mais on implore Allah pour lui, et on demande que sa foi soit raffermie, et d'autres du'as, mais rien de plus. Et en ce qui concerne at-talqin, c'est-à-dire qu'une ou plusieurs personnes se placent devant la tombe du mort, puis appellent le mort en lui disant « Dis la ilaha illallah » ou bien « Dis Allah est mon Seigneur et Muhammad alayhi salat wa salam est mon prophète et l'islam est ma religion. » Ceci est une innovation dans la religion musulmane, car le hadith rapporté à ce sujet est faible et il a été affaibli par l'imam Ibn al-Qayyim et par l'imam al-San'ani et par l'imam al-Nawawi et par Sheikh al-Albani rahimahullah. Rahimahumullah. On ne lit donc ni le Coran et on ne procède pas à telqin, mais on fait seulement des du'as. Mes chers frères et sœurs, ainsi après avoir dicté beaucoup de règles juridiques, comme nous l'avons dit au début de cette série, une série qui rassemble la jurisprudence funéraire, Fiqh al-Janaïs, mais une série qui rassemble également l'adoucissement du cœur, l'attendrissement du cœur, al-Raqa'iq. Elle raconte donc dans une partie la jurisprudence, mais dans l'autre, l'adoucissement des cœurs. Après avoir ainsi parlé de quelques lois juridiques concernant l'enterrement, posons un regard sur ce qu'attend le mort après son enterrement. Regardons ainsi ensemble, mes chers frères et sœurs, ce qui nous attend après notre mort, ce qui nous attend après notre enterrement, et revenons ainsi au long hadith d'Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu, rapporté par l'imam Ahmed et l'imam Abu Daoud, et authentifié par l'imam Al-Hakim, et par l'imam Al-Dahabi, et par Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Quant à l'âme du croyant véridique, les anges la montent au ciel, et on demandera d'ouvrir les portes du premier ciel, et on les lui ouvrira, jusqu'à ce qu'ils arrivent au septième ciel. Quelqu'un appellera alors, quelqu'un annoncera alors, inscrivez mon serviteur dans le registre de ceux des rangs élevés, parmi al-illiyin. Et comme Allah nous dit, wa ma adraka ma illiyun. Et qui te dira ce que sont les rangs élevés, kitabun marqoum, un livre cacheté, yashhaduhu al-muqarrabun. Et les rapprochés les anges en témoignent. Il sera ainsi écrit parmi ceux des rangs élevés, comme l'a affirmé Allah dans son livre sacré. Et ensuite Allah dira, renvoyez-le sur terre, car c'est d'elle que je les ai créés, et car en elle je les retournerai, et car d'elle je les ferai sortir une fois encore. Son âme reviendra ensuite dans son corps. Puis le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous dit, et il entendra le bruit des pas de ses amis lorsqu'ils s'en iront. Il entendra le bruit des pas de ses amis lorsqu'ils s'en iront. Puis viennent deux anges. Et dans la version de Abu Hurayrata radiallahu anhu, puis viennent deux anges noirs et bleus, très durs dans le refus. Et cela signifie qu'ils posent leurs questions très difficilement. Très durs dans le refus, ils le feront s'asseoir. Puis ils lui demanderont, qui est ton Seigneur? Avec une voix des plus intenses qu'elle soit, ils l'observeront des regards tels l'éclair. Ils lui parleront d'une voix telle un grand mont de tonnerre. Qui est ton Seigneur? Et alors si dans cette vie, la personne était un serviteur d'Allah, si dans cette vie, la personne n'associait rien à Allah, si dans cette vie, la personne n'adorait aucun Dieu excepté Allah, si elle aimait Allah, et si elle vivait avec Allah et pour Allah, elle répondra, Rabbi Allah. Mon Seigneur est Allah. Et ensuite ils lui demanderont, quelle est ta religion? Et alors si le serviteur dans cette vie était parmi les musulmans, si le serviteur dans cette vie travaillait pour l'islam, si le serviteur dans cette vie jugeait avec l'islam sur lui-même ainsi que pour autrui, fier de l'islam, travaillait pour l'islam jour et nuit, son cœur vibrait dans l'intention de faire triompher l'islam, il répondra alors, Dini al-Islam, ma religion est l'islam. Et ensuite ils lui demanderont, qui est cette personne qui vous a été envoyée? Et alors si le serviteur dans cette vie croyait au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, si dans cette vie, le serviteur obéissait aux ordres du prophète, alayhi salatu wassalam, si dans cette vie, le serviteur suivait la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, dans ses moindres détails, et était fier de la suivre, la défendait, et obéissait à ses ordres, il répondra alors, Rasuli Muhammadun sallallahu alayhi wassalam, mon prophète est Muhammad, alayhi salatu wassalam. Et les questions ne sont pas encore terminées. Ils lui demanderont ensuite, et qu'as-tu œuvré? Et dans une autre version, et quelle est ta science? Et ils lui demanderont, qu'as-tu œuvré? Et alors si le serviteur suivait le Coran, si le serviteur plaçait le Coran devant lui, et le suivait en tout point, et ne se contentait point de l'embrasser sans l'accepter, il répondra alors, j'ai cru au livre d'Allah et je l'ai accepté. Et viendra alors le message d'Allah, mon serviteur a été véridique. Puis le prophète alayhi salatu wassalam récita ainsi la parole d'Allah. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah raffermit les croyants par la parole ferme dans la vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Et alors, on lui élargira sa tombe à perte de vue. On lui élargira sa tombe à perte de vue, et ensuite, après cela, lui viendra un élégant homme, joliment vêtu, dégageant une bonne odeur de parfum, et qui lui dira, réjouis-toi de cette bonne nouvelle. Voici donc le jour promis. Réjouis-toi de la satisfaction d'Allah, et d'un paradis aux bienfaits éternels. Et le croyant pieux dira alors, qu'Allah t'annonce le bien. Qui es-tu, ô toi, au visage présageant le bien? Et alors il répondra, je suis tes bonnes œuvres. Je suis ton unicité. Je suis ta prière. Je suis ton jeûne. Je suis ton hajj. Je suis ta zakah. Je suis ton obéissance à tes parents. Je suis ta visite de ta famille. Je suis ton prêche à Allah. Je suis ton aumône. Je suis tes études dans la science religieuse. Je suis tes bonnes œuvres. Et ceci est le jour que l'on t'a promis. Ces bonnes actions, mes chers frères et sœurs, Allah les transformera alors dans un homme élégant, afin d'arriver à ce serviteur. Et puis cette jolie personne lui dira, qu'Allah te récompense. Je savais que tu étais vif quant à l'obéissance d'Allah, et très lent quant à sa désobéissance. Et ensuite, après cela, on lui ouvrira une porte donnant sur le paradis et une autre donnant sur l'enfer. Et on lui dira alors, voici ce qu'Allah t'aurait réservé si tu lui avais désobéi, mais il te l'a remplacé par celle-ci Et lorsque le serviteur regardera ce qu'Allah a préparé pour ses pieux serviteurs au paradis, il dira alors, « Oh Allah, hâte, accélère, précipite l'arrivée du jour dernier, afin que je puisse rejoindre ma famille et mes biens. » Et alors on lui dira, « Habite-y. » Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, annonça ensuite, le mécréant quant à lui, et dans une autre version, l'impudique et le libertin, et dans une autre version, l'hypocrite. Ainsi le mécréant, l'impudique, ou bien l'hypocrite, quant à lui, lorsque son âme sort et se détache de son corps, on demandera d'ouvrir les portes du premier ciel, mais aucune porte des portes du ciel ne lui sera ouverte. Et il sera ainsi expulsé du ciel. Puis le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous dit, et récite la parole d'Allah, « La tufattahu lahum abwaab as-sama » et les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Et alors un appel de venant d'Allah annoncera, « Inscrivez le registre de ses œuvres parmi As-Siddin, au rang le plus bas de la terre, dans l'abîme le plus profond de la terre, là où on trouve le feu, là où on trouve la honte, le déshonneur et l'humiliation. Inscrivez le registre de ses œuvres dans Sijjin. Wa ma adraka ma Sijjin, kitabun marqum, waylu yawma idhin lil mukaddibin. » Et qui te dira de ce qu'est Sijjin? Un livre déjà achevé. Malheur ce jour-là à ceux qui traitaient de mensonges. Inscrivez le registre de ses œuvres. Emprisonner son âme dans ses djinns. Et après cela, on jettera alors son âme du ciel, jusqu'à arriver à son corps. Et alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, récita la parole d'Allah, « وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْتَفُهُ الطَّيْرِ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحِ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ » Et quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel, ou que les oiseaux le happaient, ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Et alors, deux anges noirs et bleus lui viennent alors, très durs dans le refus. Ils le feront s'asseoir, puis ils lui demanderont, « Quel est ton Seigneur ?» Et alors si le serviteur ne croyait pas en Allah dans ce monde, si le serviteur ne le reconnaissait pas dans ce monde, si le serviteur détestait son Seigneur, combattait ses commandements et sa religion, il répondra alors, « Ah, je ne sais pas !» Il ne connaissait pas son Seigneur, il ne connaît pas son Dieu, il ne connaît pas son Créateur. Et on lui demandera ensuite, « Et quelle est ta religion ?» Et alors si le serviteur ne pratiquait pas la religion musulmane dans cette vie, et de surcroît, si il détestait l'islam et souhaitait sa disparition et combattait avec sa langue, son argent, son cœur, ses actions, son pouvoir ou sa plume, il répondra alors à ce moment-là, « Ah, je ne sais pas !» Et ils lui demanderont ensuite, « Et qui est cet homme qui vous a été envoyé ?» Et alors si le serviteur était de ceux qui ne croyaient pas au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'il était de ceux qui s'est moqué du prophète alayhi salatu wassalam, qui s'est moqué de sa tradition et de ceux qui la suivent, qui s'est moqué de ses fidèles, il répondra alors à ce moment-là, « Ah, je ne sais pas !» Et dans une autre version, j'ai entendu les gens dire cela, et dans une autre version, j'ai entendu les gens dire cela, j'ai alors répété, Al-Habib al-Mustafa nous dit alors, dans le hadith al-Bara ibn Azib, il ne l'appellera pas alors de son nom. Il ne l'appellera pas alors de son nom. Et on lui dira, Muhammad, tu ne le connais pas. Muhammad, tu ne le connais pas. Et il répondra alors, j'ai entendu les gens dire cela. Et ils lui énonceront alors, que tu ne saches pas. Que tu ne dises pas. Viendra alors le message d'Allah. Il a menti. Tapissez-lui alors sa tombe de feu. Et ouvrez-lui une porte donnant sur l'enfer. On lui ouvrira alors une porte donnant sur le paradis, et une autre porte donnant sur l'enfer. Il observera alors le paradis et observera ce qu'Allah y a préparé. Et on lui dira alors, regarde ce qu'Allah t'a interdit. Ceci aurait été ta demeure si tu avais obéi à Allah. Ceci aurait été ta demeure si tu l'avais cru. Puis cette porte se refermera et s'ouvrira alors la porte de l'enfer, qui dégagera alors de sa chaleur, qui dégagera alors de son souffle, et on lui rétrécira la tombe jusqu'à ce que ses côtes se confondent. Et la tombe se refermera alors jusqu'à ce que ses os et son sang et ses nerfs et ses cheveux et ses muscles se broient. Et viendra alors, après cela, un homme hideux, un homme repoussant, un homme très mal habillé, dégageant une puanteur atroce, dégageant une puanteur suffocante. Et cet homme lui dira, je t'annonce la nouvelle. Je t'annonce la nouvelle de ce mauvais jour. Réjouis-toi de ce mauvais jour. Voici le jour dont on t'avait mis en garde. Et il répondra alors, mais qui es-tu? Qu'Allah t'apporte le mal. Ton visage ne préserve que le mal. Qui es-tu? Et alors il répondra, je suis tes mauvaises actions. Je suis tes mauvaises actions. Je suis ta mécréance. Je suis ton association à Allah. Je suis ton abandon à la prière. Je suis ton délaissement de la zakat. Je suis ton abandon de la prière en groupe. Je suis ton sommeil pendant la prière d'El Fajr. Je suis Arriba. Je suis les intérêts. Je suis Azina. Je suis la fornication. Je suis El Rina. Je suis la musique. Je suis le libertinage. Je suis les prêts bancaires avec intérêt. Je suis tes mauvaises actions. Et je t'annonce la nouvelle de ce mauvais jour. Et wallah, je savais que tu t'es précipité à la désobéissance d'Allah et que tu étais lent à son obéissance. Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam nous dit ensuite, un être sourd et muet lui sera alors affecté. Un être sourd et muet lui sera alors affecté. Et on annoncera que c'est un serpent, mais on dit également que c'est un reptile, mais on annonce également que c'est un ange ayant la mission de châtier cette personne. Un être spécialisé dans le châtiment, spécialisé dans le châtiment des personnes. Celui qui lui a inculqué ce savoir est Allah. Un être sourd et muet lui sera affecté. Il ne voit pas, il n'entend pas, il ne parle pas, il ne comprend rien. La ya'sun Allah ma amrahum wa yaf'alun ma yu'marun. Ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande et exécutent strictement ce qu'on leur ordonne. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, un être sourd et muet lui sera affecté, portant en sa main une barre de fer, avec laquelle si on frappait une montagne, elle deviendrait de la poussière. Wala hawla wala quwwata illa billah. Si on frappait avec cette barre une montagne, elle deviendrait de la poussière ou du sable. Et alors il lui portera donc un coup qui le transformera en poussière. Puis Allah le rendra en son état initial. Puis il lui frappera une nouvelle fois. Et il poussera alors un cri tel que toutes choses l'entendent sauf les djinns et les hommes. Il poussera alors un cri tel que toutes choses l'entendent sauf les djinns et les hommes. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et alors on lui tapissera des tapis du feu de l'enfer. Et on l'habillera du feu de l'enfer. Et on le châtiera, et il restera dans cet état jusqu'au jour du jugement. Wal'iyadu billah. Qu'Allah nous en préserve. On lui tapissera ainsi des tapis du feu de l'enfer. Et il dira à ce moment-là, oh Allah, ne fais pas venir le jour dernier. Pourquoi cela? Car le jour dernier est plus terrible et amer. Et voici ainsi ce qui concerne les questions de la tombe. Voici ainsi ce qui concerne les questions des anges de la tombe. Dans la version de l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque le mort est posé dans sa tombe et que ses amis le quittent, il entend alors le bruit de leurs pas, et alors deux anges lui viennent alors et ils le feront s'asseoir, puis ils lui demanderont, que penses-tu de cet homme, Muhammad? Quant au croyant, il répondra, Je témoigne que c'est les serviteurs d'Allah et son envoyé. Et alors on lui ouvrira alors une porte de l'enfer et une porte du paradis. Puis on lui dira en montrant la porte de l'enfer, ceci est ta place. Allah t'en a éloigné. Et il t'a récompensé en échange d'une place au paradis. Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam nous dit, quant au mécréant et quant à l'hypocrite, deux anges lui viennent alors. Ils le feront s'asseoir. Puis ils lui demanderont, que penses-tu de cet homme, Mohammed? Il répondra alors, j'ai entendu les gens dire quelque chose, et alors j'ai alors dit comme eux. Et le prophète alayhi salatu wa salam dit alors, on le frappera d'une barre, et il en poussera un cri, tel que toutes choses entendent, sauf les djinns et les hommes. Wal'iyadu billah. Et dans la version authentique de l'imam Ahmed, un compagnon radiallahu anhu nous dit, Ya Rasulallah, il n'y a pas une personne parmi nous qui verrait un ange tenant une barre de fer sans que sa raison ne parte. Et alors le prophète alayhi salatu wa salam lui répondit, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah raffermit les croyants par la parole ferme dans la vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Ainsi, c'est comme cela que vous serez questionnés, mes chers frères et sœurs. C'est comme cela que vous serez éprouvés, mes chers frères et sœurs. Vous serez questionnés sur votre Seigneur. Vous serez questionnés sur votre religion, sur votre prophète, sur votre foi et sur votre livre sacré. Mais personne ne saura répondre à ces difficiles questions, à moins qu'il ne soit croyant et véridique. Personne ne saura répondre à Munkir et Nakir, à moins qu'il ne soit croyant et véridique. Car Allah nous dit, يثبت الله الذين آمنوا. Allah raffirme les croyants. La condition ainsi est l'iman, la foi, que la foi soit enracinée dans les cœurs. La foi est une annonce par la parole et une croyance dans le cœur et des actions avec les membres du corps. La foi n'est pas seulement une énonciation, la foi n'est pas seulement un désir ou bien une expression, mais la foi est ce qui réside dans le cœur et ce que témoignent les actions. Et la langue qui s'est habituée à l'hypocrisie, qui s'est habitué à la transigeance et à la tromperie, sera alors nouée dans la tombe. Et elle sera ainsi dans l'incapacité de répondre à Munkir et Nakir. Quant au cœur qui s'est attaché à autre qu'Allah dans cette vie, et qui s'est plutôt attaché à l'argent, à la jouissance et aux vanités, qui s'est attaché aux caprices, aux passions et aux plaisirs, qui s'est attaché à quelqu'un d'autre que les seigneurs des cieux et de la terre, ce cœur ne sera jamais raffermi, abadan. Et la réponse est proportionnelle à l'action. Al-jaza'u min jins il-amal. Et c'est pourquoi l'imam Ahmed rapporte, dans un hadith authentique, selon Aïchata radiallahu anha, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam parla des épreuves d'Al-Masih al-Dajjal et de la tombe et il dit, quant à l'épreuve de la tombe, vous serez autant que moi éprouvé et vous serez questionné à mon sujet. Si cet homme est... La tombe possède une compression que si une personne aurait pu l'éviter, celle-ci aurait été Sa'd ibn Mu'adh. Mais qui est Sa'd ibn Mu'adh radiallahu anhu? Sa'd ibn Mu'adh, mes chers frères et sœurs, c'est lui qu'Allah a approuvé son jugement du haut des sept cieux, que lorsqu'il donna un jugement à propos des juifs de Khaybar. Sa'd ibn Mu'adh, c'est lui qui se blessa dans la bataille de Beni Quraïda. C'est lui qui mourut de cette blessure un an plus tard. Sa'd ibn Mu'adh, c'est lui qui à sa mort fit trembler le trône du Tout-Puissant, tellement heureux de l'ascension de son âme. Et de même Hassan ibn Thabit radiallahu anhu disait à son sujet, le trône d'Allah jalla wa ala ne trembla jamais à cause de la mort de quelqu'un que nous connaissions, excepté Sa'd ibn Mu'adh. Sa'd ibn Mu'adh subit une étreinte, subit une compression de la part de la tombe qui attrista le prophète alayhi salatu wassalam. Alors, que pensez-vous? Et alors, que dites-vous de nous, mes chers frères et sœurs? Et de même, les savants ont dit, et il y a une différence entre la certitude et le doute. Avec la certitude, tu as vécu, et avec elle, tu es mort, et avec elle, tu seras envoyé et tu seras ressuscité, incha'Allah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quant au mauvais homme, et ceci englobe le mécréant, l'hypocrite, le pervers, le désobéissant, quant au mauvais homme, celui-ci se fera asseoir dans sa tombe par deux anges avec frayeur, panique et terreur. Et ils lui diront et ils lui répliqueront, « Où étais-tu ? Où étais-tu ? » Il répondra, « Je disais comme les gens. » Et ils diront et répliqueront alors, que lorsqu'on l'enterra, celui-ci, c'est par sa cause que le trône d'Ar-Rahman a tremblé. C'est par sa cause que le trône du Miséricordieux a tremblé. Les portes du ciel s'ouvrèrent à lui. 70 000 anges témoignèrent pour lui. Mais il subit cette compression, puis s'en libéra. La tombe, mes chers frères et sœurs, la tombe est la demeure de l'obscurité. La tombe est la demeure de l'isolement. La tombe est la demeure de la solitude et des vers. La tombe illuminée par nos bonnes actions. Ou bien on ne pense qu'à illuminer nos châteaux. De nos jours, les musulmans, mes chers frères et sœurs, ne pensent qu'aux futilités. Et les paroles de certains salafs s'accordent bien avec nous, s'accordent bien avec notre époque. Nous sommes ceux qui rêvons des châteaux que les nuages surplombent et qui avons ruiné et saccagé nos tombes. Qu'Allah nous en protège. Effectivement, ceci est la tombe. Et personne ne peut fuir son épreuve. Personne ne peut fuir sa souffrance, excepté les prophètes, excepté les martyrs et ceux qui sont morts le jour du Jumu'ah ou bien la nuit du vendredi. Quant aux messagers, ils en sont épargnés et honorés. Ils ne seront donc ni éprouvés ni questionnés. Et en ce qui concerne les martyrs, un compagnon a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, pourquoi les martyrs sont épargnés de l'épreuve de la tombe parmi tous les croyants? Alors Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wassalam répondit, tu as oublié au fils de Adam? Et ce hadith fut rapporté par l'imam al-Nasa'i avec une chaîne de transmission authentique. Lorsque tu rentreras ce soir chez toi, va dans ta chambre, puis place-toi en dessous de ton lit, et n'oublie pas d'éteindre la lumière, et imagine-toi dans ta tombe. Je ne dis pas autre. Et selon Abdullah ibn Amr, radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un musulman mourant le jour du Jumu'ah, ou bien la nuit du Jumu'ah, sans qu'il ne soit épargné des souffrances de la tombe. Il n'y a pas un musulman mourant le jour du vendredi, ou bien la nuit du vendredi, sans qu'il ne soit épargné des souffrances de la tombe. Dans l'obscurité de la tombe, il n'y aura dans Sahih al-Jami' un hadith selon Aïcha radiallahu anha, et n'ayant pas imaginé qu'elle m'aurait abasourdi, de la part dans la tombe, le serviteur ressent une compression que si une personne aurait pu l'éviter pour m'être affranchi. Ô mon espoir, je te demande paix et harmonie, car de l'humiliation et des péchés je me suis rempli. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous agrandisse et qu'il nous élargisse nos tombes. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Et en tenant ces propos, j'implore son pardon pour moi ainsi que pour vous. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Mes chers frères et sœurs, ayyuhal muwahhidun, ô vous les monothéistes, nous nous devons de croire aux questions de la tombe, d'une croyance fondée, d'une croyance enracinée et sans aucun doute à son sujet. Et cela rentre, comme l'a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, cela rentre dans l'obligation de croire au jour dernier. Car beaucoup de ceux dont Allah a éteint la lumière de leur cœur, et beaucoup de ceux dont les diables s'amusent avec leur raison, disent une parole immorale, disent une parole criminelle, disent une parole mécréante et répugnante. Qui est parti dans la tombe pour nous rapporter ces faits? Et alors celui qui dit cela, ou celui qui croit cela, ne peut être qu'un mécréant. Un mécréant, mes chers frères et sœurs. Les questions de Munkir wa Nakir sont à fait prouvées par les textes authentiques du messager d'Allah et alayhi salatu wassalam. Et l'épreuve de la tombe est une étape dont le prophète alayhi salatu wassalam demandait à Allah protection contre celle-ci. Comme a rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, selon Aïcha radiallahu anha, celle-ci nous dit, le prophète alayhi salatu wassalam invoquer Allah en disant « Oh Allah, je te demande protection contre la paresse, contre la vieillesse, contre la dette, contre les péchés et contre l'épreuve de la tombe et de sa souffrance. » Contre l'épreuve de la tombe et sa souffrance. Et les imams al-Bukhari et Muslim rapportent de même selon Asma, radiallahu anha, que le prophète alayhi salat wa salam a dit, il m'a été révélé que vous êtes éprouvés dans vos tombes, presque ou comparablement à l'épreuve de l'Messie al-Dajjal. Ayyuhan nas, oh vous les gens, rappelez-vous donc le jour où vous serez enterrés, rappelez-vous donc le jour où on vous emmènera dans votre tombe, et rien ne vous sera bénéfique de la part d'Allah. Rien ne vous sera bénéfique, et wallah, excepté votre foi ainsi que vos bonnes actions. Quant à l'argent, quant au bien, quant au pouvoir, tout ceci sera voué à l'extinction, tout ceci sera voué à la disparition, à la destruction. Et dans les deux recueils authentiques, selon Anas radiallahu anhu, le prophète alayhi salat wa salam nous dit, trois choses suivent le mort, sa famille, son argent et ses actions. Il y en a deux qui retournent et une seule qui reste. Sa famille et son argent reviennent et restent seulement ses actions. Tu seras alors placé, mon cher frère, dans la demeure de l'étroitesse, dans la demeure de l'angoisse, na'am, et tu seras placé en dessous de la terre. C'est ici qu'ils t'ont posé et sous la terre ils t'ont enterré. Et s'ils restaient avec toi, tu n'aurais rien gagné, rien ne te sera profitable. Si ce n'est tes actions et la miséricorde du plus miséricordieux, et si tu es des bienfaisants, alors certes, comme nous le dit Allah, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants, la miséricorde d'Allah est proche des pieux. Et lorsque la mort vint à Haroun al-Rashid, il dit, Rahimallah, je vous demande par Allah, montrez-moi la tombe dans laquelle je serai enterré. Et alors on l'a porté jusqu'à sa tombe, et lorsqu'il vit sa tombe, il pleura. Il pleura longtemps, puis leva ses yeux au ciel et dit, « Oh, celui dont le royaume ne périt pas, fais miséricorde de celui dont le royaume périt. » Où est l'argent? Où sont les biens? Où est le pouvoir? Où est le royaume? Où sont les châteaux? Où sont les voitures? Où sont les commerces? Où sont les entreprises? Tout cela est parti. Tu as laissé tout cela en tant qu'héritage. Oui, mais a-t-on pensé à ce jour, ibad Allah, iwallah, si tu observes longtemps des tombes, tu t'aperçois qu'Allah a mis à pied égal le roi et le serviteur, qu'Allah a mis à égal le riche et le pauvre, le savant et l'ignorant, le digne et le modeste, et qu'Allah fasse miséricorde au poète qui dit que c'est étonnant, ces personnes, si elles pensaient, se remettaient en question et observaient, et considéraient cette vie comme un débouché, car cette vie n'est autre qu'un débouché. Pas de gloire sauf celle des personnes de piété. Demain, lorsqu'elles seront rassemblées, les gens sauront alors que la piété était la meilleure chose à mettre de côté. Je suis étonné par l'homme en train de se vanter, alors que demain, il sera enterré. Que vaut celui dont sa première étape fut une goutte de sperme et sa dernière un corps dépouillé? Que penses-tu, Ayuhel Insan? Que penses-tu, ô toi, l'être humain? Il nous incombe, mes bien-aimés, de nous préparer ainsi au jour où nous serons enterrés, au jour de notre enterrement, et de nous préparer aux questions de Munkir wa Nakir, au sujet de notre foi, et au sujet de nos bonnes actions. Et je demande à Allah, par ses noms parfaits et ses attributs sublimes, qu'il nous raffermisse, par la parole ferme, dans la vie présente ainsi que dans l'au-delà, et qu'il nous élargisse nos tombes, et qu'il nous raffermisse lors des questions des anges Munkir et Nakir dans la tombe. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul et que toute erreur ou omission ou oubli ne peut provenir que de moi ou de Shaytan. Et je demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, par ses noms parfaits et ses attributs sublimes, qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà et qu'il accorde sa bénédiction à notre maître, notre chef, notre guide, notre prophète, et à son noble messager, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés, et tous ceux qui ont suivi son chemin jusqu'au jour dernier, et notre dernière invocation, et notre dernière invocation, et que toutes les louanges appartiennent à Allah.